le sujet est un peu la continuité du premier, c'est féministe et macho. La société, on parlait de centre de gravité tout à l'heure, la société est souvent confrontée, surtout dans les milieux de travail, à des espèces de combats ou de luttes de pouvoir. On a parlé de l'autorité comme quoi c'est un élément qui était sujet à détruire un couple. Mais est-ce que cette même autorité ou ces rapports de force dans un milieu de travail où les gens ont évidemment ont à régler ou à résoudre des problèmes de survie matérielle, des survies de développement aussi créatif, est-ce que cette même autorité ne créerait pas, pour des raisons d'âme, j'en conçois, ne créerait pas des sources de tension qui sont finalement absolument insolubles? Ou est-ce qu'il y a finalement une possibilité de se défaire des problématiques d'autorité ou des tensions d'autorité qu'il peut y avoir entre hommes et femmes dans un milieu de travail? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce que le centre de gravité est suffisant? Celui que vous avez parlé dans la première partie, est-ce que ce centre de gravité est suffisant pour faire face à des problèmes de pression ou de tension qu'on retrouve dans les milieux de travail en relation avec cet aspect? Toute personne qui a un centre de gravité développé ne peut pas subir l'autorité dans le sens d'être assujetti à l'autorité. Autrement dit, une personne qui aurait un centre de gravité et qui aurait un supérieur pourrait traiter avec l'autorité du supérieur dans la mesure où cette autorité est intelligente. Mm-hmm. Mais si l'autorité n'est pas intelligente, une personne qui a un centre de gravité automatiquement va s'organiser créativement pour s'en rendre libre. Et quand je dis s'en rendre libre, je peux dire, par exemple, soit que lui parte, ou qu'il reste là et qu'il brûle l'autre. Oui, mais là, c'est toujours un tout ou rien, là. C'est un tout ou rien. Quand un centre de gravité est développé, tes relations dans le monde, ce sont des relations de tout ou rien. Tu peux pas... vous savez, l'homme a vécu pendant des siècles sous la domination de l'âme. L'homme va vivre pendant des siècles à venir et sans arrêt sous la domination de l'esprit. Je parle de l'homme qui va évoluer dans cette direction-là. Et l'homme qui vit dans son esprit ne peut pas indéfiniment supporter le manque d'esprit chez une personne qui créerait de l'autorité qui est sans contenu. Pour qu'une personne exerce de l'autorité, il faut que ce soit une personne intelligente, que ce soit une personne qui a quand même une sensibilité par rapport aux autres, et ainsi de suite. Il faut qu'elle soit intelligente, l'autorité. Si elle ne l'est pas, la personne consciente ne pourra pas indéfiniment vivre en proximité d'une telle autorité. C'est pour ça que je dis, soit qu'elle s'en aille, ou qu'elle la brûle. Quand on parle de centre de gravité, est-ce qu'on parle d'un centre de gravité suffisamment puissant pour pouvoir se placer en situation de survie, financièrement parlant? Parce que faire face à certaines autorités qui sont pas intelligentes ne nous donne pas d'autre alternative que de s'éliminer de l'espace ou du milieu dans lequel on travaille. Est-ce que quand vous dites qu'une personne a un centre de gravité, est-ce que ça sous-tend que l'individu a les ressources voulues pour se créer un emploi ou tout simplement pour se recomposer un autre milieu ou un autre environnement dans lequel... Si un centre de gravité, oui. Parce que... faut quand même réaliser une chose. Faut quand même réaliser que la vie, c'est toujours global. Nous, on l'aperçoit pas comme global. Parce qu'on a une vision très, très limitée de notre avenir. On n'a pas accès encore à une voyance interne qui nous assure le développement d'un certain avenir. Donc, on est très assujetti aux conditions extérieures. Mais quand le centre de gravité se développe chez l'être humain, il devient voyant, il devient sensible, il devient extrasensoriel. Donc, pour lui de partir d'un milieu de travail vers un autre à cause d'une condition qui n'est plus souffrable, c'est plus un problème. Parce que il ne vit plus l'inquiétude de perdre. Est-ce que là, qui a un centre de gravité, est capable naturellement de reconnaître l'intelligence de l'autorité de l'autre, ou bien s'il doit absolument se maintenir dans ses besoins ou dans sa certitude personnelle pour composer avec l'autorité de l'autre, pour le brûler, comme vous le disiez tout à l'heure, ou tout simplement s'éliminer de l'espace dans lequel il travaille. Est-ce que c'est vraiment une question de se placer dans le contexte de vie de l'autre, qui a l'autorité, qui a hiérarchiquement un pouvoir sur sa personne, ou s'il doit strictement contenir ses besoins et fonctionner en relation avec ça? Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'adapter et résister longtemps, parce qu'ils ont un centre de gravité, comme vous dites. Ils peuvent résister à l'inconscience d'une autorité pendant des années même. Est-ce que l'individu doit trancher lorsqu'il a un centre de gravité par rapport à lui-même, ou s'il doit composer selon les besoins qui peuvent être financiers, ou les besoins de voir une chose changer avec le temps dans l'inconscience de son supérieur? Ça dépend de lui. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même centre de gravité. Mais, bon, je vous donne un exemple purement fictif, là. Si je travaillais dans une compagnie, moi, j'aurais un patron qui est intelligent dans son autorité. J'aurais beaucoup de respect pour son intelligence, pour son autorité. Par contre, si j'avais un patron qui n'était pas intelligent dans son autorité, à ce moment-là, je choisirais soit de partir, ou je choisirais de le brûler, autrement dit, de le toffer dans son inconscience. Mais ça dépend de la personne. Il y a l'homme en évolution, il y a des hommes en évolution qui vont avoir beaucoup de résistance émotionnelle. Beaucoup de résistance mentale. Il y a des gens qui auront moins de résistance émotionnelle, moins de résistance mentale. Donc, c'est toute une affaire de résistance mentale. Plus tu as de résistance, plus tu peux soutenir ou coexister avec une condition sans en être affecté. Mais ça demande que la personne soit très désémotivée dans le mental. Si la personne n'est pas désémotivée dans le mental, si la personne n'a pas suffisamment de sens, à ce moment-là, c'est la situation qui va la presser vers l'extérieur, qui va lui rendre la vie difficile. Tandis que une personne qui aura un centre de gravité développé là et qui sera en confrontation avec une personne ou une autorité non intelligente, elle pourra réellement y rendre la vie très difficile. OK. Bon, laisse-moi finir ça, là. Parce qu'une personne qui a un centre de gravité développé ne fera pas les erreurs psychologiques que l'on retrouve chez une personne qui n'a pas de centre. Dans ce sens, quand je parle des erreurs psychologiques, là, je veux dire, bon, ben, par exemple, un type qui aurait de l'autorité, qui voudrait toujours imposer son autorité, qui voudrait être automatiquement reconnu dans son autorité, il ne vivrait pas la reconnaissance. Il y a une sorte de relation patron-employé là, qui ne pourra pas sentir. Okay. Il sentirait que le gars est en dehors de son orbite. Là. Il n'est pas capable de dealer avec. Donc, automatiquement, probablement que le patron se réajusterait ou... C'est une personne qui a un centre de gravité, c'est une personne qui a la capacité de détraquer les énergies d'une autre personne. Les détraque. Parce qu'il ne vit pas dans un pattern psychologique comme les gens vivent. Le patron, lui, s'il fait quelque chose, l'employé répond parce que l'employé n'a pas fait sa job ou whatever. Autrement dit, il y a des paramètres là, qui sont fictifs mais qui sont réels dans la situation. Tandis qu'une personne qui est inconsciente, qui est consciente ou qui a des centres de gravité, il ne pourrait pas répondre à ces menaces-là. On ne peut pas jouer avec sa survie. Non, tu ne peux pas jouer avec... Quand même, il n'y aura pas une scène. C'est ça. Est-ce que c'est le critère absolu d'un centre de gravité de ne pas se laisser jouer avec la survie? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça absolument qui fait qu'un être a un centre de gravité? On ne peut pas jouer avec sa survie. Un être qui a un centre de gravité n'a pas peur de perdre. Je dirais ça. Autrement dit, tu ne peux pas jouer avec sa survie sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel. Et c'est comme s'il devient quasiment intouchable. Donc, tu peux pas le manipuler, tu peux pas l'influencer, tu peux traiter avec lui de façon intelligente, mais tu ne peux pas traiter avec lui indéfiniment de façon non intelligente. Quelque part, il va se passer quelque chose. OK. Est-ce qu'on dit que c'est non intelligent, une autorité, lorsqu'elle essaie de créer des angoisses ou des tensions, des peurs vis-à-vis, disons, exemple, du cadre de talent au niveau mental, au niveau émotionnel, puis au niveau financier quand on touche le matériel. C'est de la manipulation. OK. Donc, tout ce qui n'est pas intelligent dans l'autorité, c'est tout ce qui est manipulation. Et je dirais, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'un individu qui n'est pas intelligent dans son autorité, c'est un individu qui n'est pas capable de reconnaître l'intelligence de l'autre? C'est ça. Fondamentalement. Oui. Donc, il n'y a plus d'échange. Il n'est plus capable de reconnaître l'intelligence de ses employés. C'est une forme d'égocentrisme un peu surdéveloppée. Donc, l'employé n'a plus de plaisir. Quand tu as un patron, puis tu peux échanger avec un patron, c'est le fun, c'est ton boss. Tu es content de l'appeler boss. Mais quand une personne d'autorité s'impose, elle peut le faire avec des gens qui sont inconscients, parce que, comme vous dites, ils sont dans la survie psychologique ou dans la survie émotionnelle, dans la survie matérielle. Mais avec un être conscient qui a un centre de gravité, ça marche plus. Donc, automatiquement, il y a exclusion, parce qu'une personne qui a un centre de gravité ne peut pas résister à de l'inconscience indéfiniment quand il est constamment agressé. Et c'est-à-dire qu'il peut, l'absorber pendant un certain temps, mais il va l'absorber jusqu'à temps qu'il ne veuille plus le faire. Okay. Autrement dit, s'il y a une bonne job, là, il va commencer à en regarder pour un autre. Peut-être des semaines d'avance, des mois d'avance. Il va commencer à regarder là. Puis il va être capable de la toffer, celle-là. Puis la situation ne pourra pas le mettre à terre. Mais il est assez intelligent, puis il va s'en trouver là. Quand il y en a l'autre, ça va. Okay. Donc, ce centre de gravité dont on parle implique une grande résistance. Oui. Le centre de gravité implique beaucoup de résistance. D'ailleurs, dans le développement du centre de gravité, vous êtes obligé d'inclure le fait que l'homme va être mis dans des situations de vie, justement. Il va être mis en situation, justement, pour développer cette grande résistance. Parce que le centre de gravité, c'est pas une attitude. Donc, c'est un état d'être. Donc, ton esprit va te mettre en situation de vie, souvent très, très difficile, puis là, tu vas développer. Jusqu'à temps que l'homme en arrive à avoir suffisamment de force pour se libérer de ses situation de vie dans laquelle l'esprit l'a plongé pour développer le centre de gravité. Après ça, la vie commence à être sous son contrôle. Bon, une personne qui a un centre de gravité, donc qui a la vie un peu plus sous son contrôle, est-ce qu'elle est libre de ses associations ou si la vie lui impose des associations, même s'il a une stabilité et une résistance? C'est une question intéressante, ça. Il est libre de ses associations dans la mesure où il n'en souffre pas. Ben, l'homme qui a un centre de gravité et qui est arrivé à un certain niveau de développement de conscience, éventuellement, n'est plus intéressé à souffrir. Donc, s'il ne souffre pas, les associations se perpétuent. S'il souffre, il est obligé de mettre un arrêt dans le processus. C'est lui qui met un arrêt. Avant, il n'aurait pas mis d'arrêt. Parce que psychologiquement, émotivement, mentalement ou physiquement, il y aurait eu des manques. Mais une fois qu'il y a un centre de gravité, qu'il n'y a plus peur de perdre, à ce moment-là, quelque part, si ses corps sont trop débalancés par des conditions qui ne s'ajustent pas, là, il va couper. Sinon, sa sensibilité le rendrait malade. Donc, si je comprends bien, l'individu qui a une autorité dans une entreprise ou qui a accès à une certaine hiérarchie de par son expérience, il doit absolument, s'il veut conserver une permanence dans ses relations avec des gens intelligents ou avec des gens dans lesquels il reconnaît une intelligence, il doit accepter que ces gens-là aient une autonomie dans leurs décisions. Parce qu'un être centrique, finalement, c'est un être qui décide par lui-même. Ouais, il doit accepter un certain processus d'échange. Il doit reconnaître chez l'autre de l'intelligence. Il peut manifester son autorité, mais il faut qu'il puisse aimer ses employés. Un patron qui aime ses employés peut attirer beaucoup de ses employés. Mais sans ça, il les exploite. Okay. Pour un patron, tu as deux possibilités. Tu aimes tes employés simplement parce que tu as une grande nature humaine ou tu les exploites. Si tu les exploites, éventuellement, ils vont peut-être rester. Mais ils vont devenir des locumènes. Ils vont devenir des burn-out. Si tu aimes tes employés dans le sens que tu les respectes, à ce moment-là, tu vas leur donner le support qu'ils ont besoin, puis eux autres vont te supporter en même temps. Donc, c'est un processus d'échange, là. Mais dans notre société, surtout en Europe, c'est pire qu'aux États-Unis. En Europe, je pourrais pas dire que les patrons aiment leurs employés. En Europe, l'employé, c'est l'employé, puis le patron, c'est le patron. Ça doit être des vieilles mémoires de la monarchie. Mm-hmm. En Amérique, ça change. Ou c'est changé. Ou c'est renversé. Un petit peu au Québec. Comme les employés n'ont rien à foutre du patron. Ça, c'est l'influence des unions, et tout. Mais un patron qui exerce l'autorité doit aimer ses employés. Là, vous allez dire que ça se traduit comment, ça? Mais ça se traduit par le respect. OK. Est-ce que ce respect-là, dans les faits, parce que là, j'arrive au cœur du sujet de la soirée pour ça, là, est-ce que dans les faits, ce n'est pas une question de laisser l'autre vivre ses décisions, l'autorité intelligente? Est-ce que, parce que pour moi, exploitation, ça résonne à tout prendre les décisions et à laisser à l'autre l'exécution. Là, je ne sais pas si je me trompe, mais je vis ça comme ça. Si un être n'a pas le contrôle de son processus décisionnel, même s'il est un employé, il est fondamentalement sujet à être exploité. Est-ce que de l'autorité intelligente, c'est une aptitude à laisser décider l'autre dans une certaine mesure? Ça va avoir une capacité de respecter l'intelligence de l'autre. Si tu respectes l'intelligence de l'autre, tu vas laisser à l'autre de l'espace pour prendre des décisions intelligentes. OK. Donc, il y a une aptitude dans la reconnaissance de l'intelligence de l'autre, dans les faits, ça va être exprimé comme une aptitude à prendre des décisions. C'est ce que vous dites? Si vous respectez l'intelligence de l'autre, l'autre va s'habituer à prendre des décisions, puis il va s'émanciper dans le travail, puis il va sortir de sa coquille, et ainsi de suite. Mais ça demande une capacité de le respecter. OK. La personne qui vit une situation, disons, je dirais, en tout cas, dans les formes, là, hiérarchiquement inférieure, lorsqu'elle se sent respectée, est-ce qu'elle se sent respectée parce qu'elle a un pouvoir décisionnel? Elle se sent respectée si elle n'est pas bousculée stupidement pour rien. Si tu ne bouscules pas ton employé stupidement, je parle, tu peux bousculer ton employé intelligemment, mais tu peux bousculer ton employé stupidement. Si tu ne le bouscules pas stupidement, l'employé va reconnaître une certaine affinité avec son patron. Même s'il fait simplement de l'exécution. Il y a des gens qui aiment ça exécuter. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, ils n'ont pas le caractère, ils n'ont pas la nature, ils n'ont pas le tempérament pour prendre des décisions. Ce sont des exécuteurs. Seulement que ce sont des gens qui travaillent fort, puis le patron passe de temps en temps, puis il peut leur dire, bon, ben, tu travailles bien, tu as bien fait ça. Faut aimer. Un patron qui n'est jamais capable de dire à son employé, bon, ce que tu as fait, c'est au bout. C'est un patron qui manque de capacité de reconnaître l'intelligence de l'autre. Un employé, tu sais, là, quand on parle d'employé, on regarde la masse, là, puis on regarde les gens qui vont travailler sur le Saint-Laurent, là, dans les industries textiles, puis tout, là. Tu sais, il y a du pauvre monde qui travaille très fort. Puis, ces gens-là, si la personne qui est au-dessus d'eux leur donne cet échange-là, reconnaît leur talent. À ce moment-là, ils peuvent rester là pendant les années de temps, ils sont contents. Ils ne cherchent pas à être président, non. Pas tout le monde cherche à être président. OK, donc... Ça revient au respect, ça revient à aimer. Tu ne peux pas enlever le facteur d'amour dans la vie. Quand je parle d'amour, là, je ne parle pas de l'amour de Jésus-Christ. Non. Je parle d'aimer dans le sens là, d'être intelligent. Quand tu es intelligent, tu es capable d'aimer. OK, mais cette intelligence-là ne semble pas signifier un transfert de pouvoir, là. Non, pas nécessairement. Cette intelligence-là signifie simplement une réalisation de la compétence de l'autre, de l'action de l'autre, de l'effort de l'autre. Tu peux pas toujours travailler dans une industrie puis les gens se dégueulent pour travailler, pour faire leur petit salaire à la fin de la semaine, puis jamais leur reconnaître un talent, jamais leur reconnaître une aptitude, jamais leur reconnaître une augmentation du fruit de leur labeur. Puis les industries qui progressent le mieux, puis qui sont les plus stables sur le plan humain, sur le plan sociologique, sont probablement ces industries-là où tu as des patrons qui savent où développer une convivialité avec les gens qui sont sous le zèle. Une personne qui travaille ne souffre pas d'être employée. Il y a des gens qui aiment ça être employés, ils n'ont pas de responsabilité, ils s'en vont chez eux, ils ont leur paye à la fin de la semaine, ils sont contents. Mais où l'homme souffre? Souvent, c'est même pas dans le travail, c'est dans les relations de travail. Seriez-vous d'accord de dire ça, vous? Que c'est pas dans le travail que l'homme souffre, que c'est dans les relations de travail? Donnez-moi des bras pour le fun, même pouvoir, là. C'est dans les relations de travail, parce que c'est ça qui ternit l'affaire. C'est pas le travail. Il y a du monde qui travaille. La preuve que c'est pas le travail. Regarde un patron. Il y a des patrons qui travaillent 7 heures le matin, 11 heures le soir. Ils en mangent. Ils aiment ça travailler. Mais ils n'ont pas de boss. C'est ça. Fait que, mais le gars qui travaille dans l'industrie, puis qu'il ne reçoit pas de feedback, qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'il n'y a pas de chaleur humaine entre lui puis le boss, c'est que la paye. Éventuellement, où il y a des arguments, puis il y a toutes les contestations, puis tous les problèmes d'ego, c'est ça qui ruine le travail. C'est pas le travail. C'est ce qui se passe sur le plan humain, sociologique, psychologique qui ruine le travail. D'où vient le besoin de l'aide? Regarde les professeurs. Bref, y a-t-il une plus belle profession qu'être professeur à l'école? Tu sais, je rentre le matin, tes étudiants sont là, puis ils disent bonjour, mademoiselle Laflamme. Mademoiselle Laflamme, elle dit bonjour, mes enfants. Donc, ils sont à la 9e année. Je ne sais pas comment ça marche. Bon. Puis, il y a du respect. C'était plaisant, comme dans notre temps quand on était jeune. Il y a 25 ans, 40 ans. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, les professeurs, ils rentrent dans la classe. Puis, les gars, moi, je ne sais pas, je suis pas allé dans une classe depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir quelques-uns dans le coin là, qui jouent les toughs, quelques-uns qui rient un petit peu. Quelques-uns qui mangent de la gomme, quelques-uns qui vont décroiser une main. T'sais. Je regarde probablement aux États-Unis. Là, en tout cas, c'est tough. Il y a de la violence psychologique. Alors, comment tu veux qu'un prof aujourd'hui puisse aimer son travail? C'est pas un job qu'il aime pas. C'est merveilleux. Mais c'est l'environnement humain. Moi, je connais un professeur, je connais un couple de professeurs extraordinaires, des Arméniens, des profs émérites, qui m'ont demandé une journée, ils ont dit, qu'est-ce que tu penses? J'avais l'intention d'aller en Russie pour enseigner. Parce qu'en Russie, quand tu vas dans une classe, c'est comme le 40 ans. Il y a un respect du prof, des élèves, vice-versa. Aujourd'hui, c'est le cauchemar des professeurs. Il y en a-t-il des professeurs en classe, là, qui sont en salle d'idée? Êtes-vous d'accord, vous autres, que c'est la situation plus difficile? Oui? Bon, vous avez un cas spécial, vous étudiez un enfant malade, que vous avez? Ah, mais là, vous changez. Ça dépend du niveau. Université, ça change. C'est, je suis sûr que c'est mieux à l'université. Mais encore, c'est pas comme là, 25 ans. Définitivement, le côté respect entre le prof et les élèves, c'est difficile. Fait que comment est-ce que tu veux donner? Donc, fondamentalement, toute la problématique des relations d'autorité qu'on retrouve dans notre société, que ce soit entre homme ou femme, ou peu importe, que ce soit relation parent-enfant ou patron-employé, c'est toujours une problématique de respect. Toute. Même, je vais vous dire une chose, le respect, c'est tellement important. D'abord, je l'ai déjà expliqué, le respect, c'est la contrepartie mentale de l'amour. Oubliez les émotions. Le respect, c'est la contrepartie mentale de l'amour. C'est la contrepartie astrale émotive de l'amour, c'est la contrepartie mentale de l'amour. Donc, dans un sens, le respect, c'est plus important que l'amour émotif. Parce que de l'amour émotif, ça se gruge. Ça se gruge. C'est instable, de l'amour. Okay, c'est pas émotif. Ouais. Tandis que du respect, c'est plus stable. C'est plus mental. Bon, mais cette acquisition du respect là, qui permet à l'individu d'avoir une certaine autorité dans un sens avec les autres et de se faire reconnaître aussi une certaine autorité, ce respect, est-ce qu'il se bâtit à la base dans les relations homme-femme quand on est, je dirais, enfant féminin puis enfant masculin dans un jeune âge? Est-ce que c'est l'enfant qui voit le respect de ses parents entre eux qui fait qu'il devient respectueux de son environnement? Ou d'où ça naît, ça, le respect, dans l'enfant, là, comme tel? Parce que finalement, il ne peut pas aboutir à 30 ans tout d'un coup respectueux. Il y a une progression là-dedans. Est-ce que c'est avoir des parents s'aimer ou dialoguer ou échanger qui fait que l'être naît avec un respect? Est-ce que la petite fille devient respectueuse de sa société ou de son environnement à regarder ses relations avec ses parents puis ses relations avec les petits garçons? Comment ça naît, ça, ce respect? On le retrouve dans l'amour, on le retrouve dans le centre de gravité, on le retrouve dans l'autorité. Il est omniprésent, ce respect. C'est évident que dans l'éducation familiale, un enfant qui a une bonne éducation familiale va être plus apte à développer le respect, mais plus le perdre. Il peut se produire des choses dans la vie peut se retourner contre lui, ça dépend comment ce qui est élevé. Mais effectivement, dans l'éducation familiale, s'il y a de l'équilibre entre le père et la mère, ainsi de suite, puis il y a du respect entre les parents, ça va, l'enfant va la prendre, cette vibration-là. Est-ce qu'il va l'absorber ou ça va renforcer ce qu'il a déjà? Est-ce que c'est de ce qui vient de l'extérieur vers lui qui lui donne le respect ou lui permet d'acquérir un respect, ou c'est le fait de voir du respect à l'extérieur de lui qui renforcit ce qu'il a déjà à l'intérieur de lui? Là, vous me demandez une question difficile, là, parce que ça dépend des individus. Mais pour répondre à votre question, là, si un enfant est né dans une famille où il y a du respect entre les parents, automatiquement, ce que j'appelle les allures de l'âme, c'est les humeurs de l'âme, vont venir sous la domination de son esprit. Et il va vivre moins d'âme. Il va vivre moins de mémoire si ses parents manifestent du respect. Parce que la vibration qui va partir des parents va automatiquement ajuster son corps astral. Par contre, si vous me demandez, ben, un individu qui vient au monde où il n'y a pas de respect entre les parents, est-ce que lui peut développer du respect? Oui, parce qu'il y a des individus qui viennent au monde dans des situations familiales très difficiles, ça fait partie d'un certain karma. Par contre, il y a beaucoup d'esprit. Autrement dit, pour répondre finalement à votre question, quelle est la constante universelle du respect chez un être? C'est dans son esprit. Fait que si tu as un enfant qui n'a pas beaucoup d'esprit, qui a beaucoup d'âme, mais qui n'a pas beaucoup d'esprit, qui n'est pas très évolué. À la naissance. À ce moment-là, puis il est plongé dans une famille où il y a beaucoup de respect. Ce respect-là, il va le développer par habitude. Ça va être quasiment comme le résultat d'un contact social. Mais un jour, quand il va grandir, à cause des liens, il peut le perdre. Parce que ça ne fait pas partie de son esprit. Tandis qu'un enfant, lui, qui est né dans une famille très, très difficile, mais qui a beaucoup d'esprit, ça va toujours rester avec lui, ça, le respect. Parce que, ça c'est intéressant, le respect, je vais vous le dire là, occultement, qu'est-ce que c'est? Le respect, c'est la précondition donnée à l'homme pour se souvenir de ses antécédents avant la mort, pour la reconnaissance que dans son être-té, il y a une flamme. C'est comme son encadrement pour l'esprit, là. Un être qui a du respect, là, qui ça fait partie de lui, là, quand il vient au monde, ça fait partie de lui. Donc, comme ça fait partie de lui, c'est naturel, c'est une seconde nature. Ça n'a même pas besoin d'être cultivé. Effectivement, si c'est cultivé, ça va ajouter, mais ça n'a pas besoin d'être cultivé. Moi, je ne suis pas venu au monde dans une famille facile. Puis, le respect, ça a toujours fait partie de ma nature depuis que je suis petit gars. Fait que ça fait partie de l'esprit. Par contre, on ne reconnaît pas l'importance du respect dans notre vie en tant que feu, parce que c'est un feu qui vient de l'esprit. On ne reconnaît pas ça tant qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point ça nous est utile socialement. C'est extraordinaire ce que le respect peut nous créer d'ambiance sociale. Puis quand tu commences à le réaliser, ça là, à ce moment-là, ça devient ton outil que tu utilises toujours dans la vie pour tes relations humaines. Parce que finalement, tu crées une réserve de relations humaines, tu crées un monde avec lequel tu peux interagir, tu augmentes tes possibilités, donc tu enrichis ton avenir. Si tu n'as pas de respect à ce moment-là, éventuellement, tu peux finir seul. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la Terre, il n'y a pas un homme qui... Il n'y a pas un homme qui est plus important que toi. Par contre, tous les hommes sont nécessaires pour ton développement. Comme à un certain niveau d'évolution, je ne peux pas toucher à ça. Je ne peux pas rentrer avec mes gros canons occultes. Je ne peux pas rentrer avec mes grosses idées occultes dans le public, en privé, oui. Mais je parle à la télévision, là, puis je parle dans les livres, puis je parle à la radio, tu peux pas parler. Ça serait un manque de respect pour l'humanité. Ça serait un manque de respect pour ces hommes-là qui, à ce stage-là, ont besoin de ça. Ça serait un manque de respect pour ma mère. Ça serait un manque de respect pour moi. Alors, respecter, quand tu parles de respect, automatiquement, tu parles d'intelligence. Tu es obligé de parler de lui. Fait qu'à ce moment-là, mais si tu l'as, ça, ben, automatiquement, tu contrôles ta parole. Tu t'en vas à la télévision, que tu dis, ça s'en va par là. Ça va pas s'éclabousser de partout. Tu respectes un grand segment de l'humanité. Là, tu vas dire, il y a des témoins de Jéhovah. Il y a des mormons, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des... Il y a tout le monde. C'est leur expérience d'âme. Tu peux pas te chanter ça. qui ce que t'es, toi, pour toucher à ça, puis arriver avec tes grosses idées occultes. Fait qu'à ce moment-là, si tu veux arriver avec tes grosses idées occultes, mais donne des séminaires ou fais des conférences, puis fais venir vers toi des gens qui sont rendus à ce stage où ils sont intéressés à dépasser les conditions évolutives de la pensée humaine. Là, après ça, ben là, tu peux commencer à parler de ça. C'est comme l'avortement. Mm-hmm. Pourquoi je peux pas en public parler de l'avortement? Parce que je suis obligé de respecter, il y a des conditions, il y a des lois même sociales, il y a des lois psychologiques dans le monde qui font en sorte que l'Église a raison quand elle dit l'avortement, pour que ça soit contrôlé. Sans ça, il y a des pays en Amérique du Sud que, comme j'ai déjà dit, vous trouveriez des enfants dans les poubelles à tous les jours. Il y a des hommes, il y a des autorités dans le monde, des autorités spirituelles ou des autorités gouvernementales qui ont, ils font, si tu n'as pas le respect de la pensée humaine à ces niveaux-là, là tu arrives avec tes grosses idées occultes, puis là tu crées des problèmes, là tu crées des angoisses, parce que les gens ne sont pas prêts à comprendre ça. Fait que respecter, c'est inviter l'autre, inviter les gens à reconnaître que tu les prends au sérieux à leur niveau. C'est ça, respecter une personne. Si tu ne prends pas une personne au sérieux à son niveau, tu ne peux pas la respecter. Là, tu vas l'écraser ou tu vas faire du dumping idéationnel ou idéologique sur elle. Puis tu peux les troubler bien plus que tu peux les aider. Fait que tu ne peux pas séparer le respect de l'intelligence. Parce que pour réellement respecter, il faut aimer. Puis aimer, là, c'est dans le sens mental du terme, c'est pas dans le sens émotif, spirituel du terme. Dans le sens mental. Puis à ce moment-là, ben, tu peux faire énormément de bien dans un secteur de la société. Tu peux faire avancer les gens. Puis tu ne troubles pas trop les autres d'un autre secteur de la société. Il faut que tu leur donnes le temps, ces êtres-là, d'en arriver à ça. Puis ils vont passer par différents chemins pour arriver à ça. C'est pas toi qui vas changer le monde. Tu peux amener la naissance d'une science dans le monde. Mais tu peux pas changer le monde. Fait qu'il faut que tu respectes. La question qui venait aussi avec ça, c'est si à la naissance, vous étiez, disons, karmiquement marqué pour, je dirais, vivre de beaucoup de cette flamme de l'esprit, vous disposiez d'un bagage de respect à la naissance, est-ce qu'à ce moment-là, chaque être humain sur la planète a un certain niveau de respect potentiel qu'il entretient dans sa vie, mais qu'il ne peut pas développer? Est-ce que c'est ce que vous vous dites? Oui, je suis persuadé que les hommes, leur donnant un peu la chance, là je parle de l'éducation familiale, le milieu scolaire, ainsi de suite, l'environnement humain, leur donnant la chance de s'émanciper dans un milieu qui est sain, pourrait conserver un petit peu de cette flamme-là. Par contre, si le milieu humain est trop difficile, comme c'est rendu là, ça devient très très difficile aux individus de maintenir le respect. Pourquoi? Parce que, in the long run, ça leur donne rien, ils ne voient pas. Ça leur donne rien. La flamme n'est pas assez forte pour qu'ils voient de leur propre vision. À ce moment-là, est-ce que c'est... Là, vous semblez confirmer le fait qu'on ne peut pas développer du respect, mais on peut entretenir ce que l'on a. On entretient ce que l'on a. Mais on ne le développe pas. Comme vous, là, vous êtes à la naissance, vous avez un potentiel de respect, mais vous ne pourriez pas expandre plus que le respect que vous disposez en réalité. C'est une vibration d'âme et une vibration d'esprit, ça. Tu viens au monde avec ton bagage, tu viens au monde avec un corps mental qui a été créé par ton esprit, tu viens au monde avec un corps astral qui fait partie de ton corps d'évolution dans le monde de la mort. Fait que tu viens au monde tout équipé, puis tu viens au monde tout mesuré. Mm-hmm. Chaque individu vient au monde mesuré. Par contre, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent aider. C'est ça la fonction de l'éducation. L'éducation dans une famille, c'est une initiation, même si les êtres ne le reconnaissent pas. Mais un père et une mère qui mettent au monde un enfant, leur fonction sur la Terre, c'est de les initier à la vie. Maintenant, on vit sur une planète évolutive à conscience expérimentale, donc c'est évident que nos parents nous initient très peu à la vie. Ils nous rentrent dedans, mais ils ne nous initient pas à la vie parce que nos parents ne sont pas des initiés. Mais l'homme demain deviendra un initié. L'homme demain sera le père demain sera un initié. La mère demain sera un initié. Donc l'enfant sera initié à la vie. Ça, c'est l'évolution. Alors, venant au monde dans des familles où le père sera un initié, la mère sera un initié, c'est évident que les enfants vont développer des centres de gravité très jeunes, puis les enfants vont reconnaître l'importance du respect comme étant le facteur fondamental dans leur relation humaine. Puis ça va faire partie de leur conscience, ça va être entretenu par les dans leur éducation pendant des années de temps, et déjà le choix par incarnation de venir au monde dans une famille d'êtres initiés, autrement dit d'êtres qui ont une certaine conscience, ça va simplement faciliter ce processus-là, tandis qu'aujourd'hui, on vient encore au monde par incarnation dans des conditions karmiques. Okay. Puis on n'a pas toujours un père qui est un cadeau, on n'a pas toujours une mère qui est un cadeau, ou des fois on a un père et une mère qui est un cadeau. Fait que ça dépend de l'expérience de chacun. Quand tu regardes, quand tu lis les nouvelles, puis tu vois comment est-ce que ça se comporte aujourd'hui, les pères, puis les mères, puis les enfants, surtout des parties pauvres des villes ou des pays, développer le respect, c'est très difficile. Donc, l'enfant va mettre de côté le respect pour développer une sorte de bravo psychologique qui est fictive, pour devenir macho, comme tu dis, par exemple. Ouais, bon. Psychologiquement macho, puis pour se défendre. Un macho, un type qui est macho, c'est un type qui veut se défendre. Être macho, il y a 5 niveaux macho. Le premier macho, faut que je l'écris. Attends un peu, moi l'écris. Bon. Le premier niveau de macho, c'est celui qui veut faire la guerre à ce qui lui est opposé. Parce qu'il n'est pas respecté. Faire la guerre à ce qui lui est opposé. Être macho, quand il est macho, il fait la guerre à ce qui lui est opposé. Le deuxième niveau de macho, ça fait partie de découvrir son territoire, de prendre la possession de son territoire. Le troisième niveau de macho, c'est de s'introduire dans le territoire des autres par la force psychologique. Oui, oui, par l'impression. Par l'impression. L'autre niveau, c'est d'essayer de séduire l'autre pour le rendre esclave. Puis l'autre niveau, le dernier, c'est celui qui veut faire de lui un roi. Un macho, c'est un petit cul roi. Ah ouais. Ça fait partie des aspects psychologique du macho. Puis le féministe, c'est la même chose, mais au féminin. Ah, le féministe, c'est elle. OK. Le premier niveau, c'est celle qui veut se reconnaître une... Attends un peu. C'est celle qui veut se reconnaître un territoire avec son autorité. OK. Elle avait d'autorité à son territoire. Okay. Elle n'a jamais eu un enjeu. Elle avait son territoire. Okay. L'autre niveau, c'est quoi? L'autre niveau, c'est de se donner l'aisance d'être dans une position de domination. Il y a un certain plaisir d'être dans une position de domination, dans une position... Puis là, ça rapporte probablement au principe mâle qui a toujours été. Fait que c'est comme si elle va chercher dans l'expérience du mâle le plaisir de la domination. Mm-hmm. L'autre niveau, c'est qu'elle veut finalement psychiquement être libérée de la domination de l'âme. Au niveau de l'âme. L'âme en a plein le cul. Puis l'autre, c'est une subtilité de la troisième, là, c'est qu'elle veut s'élever au-delà du niveau antique de l'esclavage de la femme. OK. La mémoire de ça. Moi. C'est pas de l'âme, c'est de l'âme, oh, c'est de l'âme. Ouais, puis l'autre niveau, c'est intéressant, celle-là. L'autre niveau, elle veut s'affranchir de ses vertus. J'avais pas pensé à celle-là. Elle veut s'affranchir de... Là, il faut regarder ça au niveau de l'âme. Elle veut s'affranchir de ses vertus. Elle veut pas être une vestale, elle veut être une flamme. Elle veut pas être une vestale, elle veut être une flamme. Ouais. C'est intéressant. Ouais, mais il faut regarder ça à partir des plans, parce qu'à partir des plans, ils ne voient pas ça comme nous autres. Mais c'est ça. Puis tous ces aspects-là, disons, qui finalement sont un peu comme des mécanismes de défense, dans un sens. Là. Quand on veut dominer un individu, j'imagine que c'est parce qu'on a peur d'être dominé. C'est toutes des expressions, finalement, d'un manque de respect de l'autre ou de soi-même dans certaines occasions. Comment ça se crée, ça? Comment un individu en arrive à être féministe ou macho? C'est à ne pas voir dans sa souffrance de l'autre, là, que l'autre nous fait vivre. C'est à ne pas voir ce qu'on est. Mais un homme devient macho parce qu'il y a de l'orgueil, puis il y a de l'insécurité, puis il y a de la vanité. Il dit stop, ce macho. De l'orgueil, de l'insécurité, puis de la vanité. Mm. Ça veut dire que dans le même bonhomme, tu as un principe féminin, puis un principe masculin au niveau du mental. L'orgueil, c'est masculin, la vanité, c'est féminin. Mm-hmm. La vanité, c'est à la femme. L'orgueil, c'est à l'homme. Le gars, il n'est pas capable de traiter avec sa polarité interne. Il n'est pas capable de traiter avec sa polarité interne. Puis la femme, elle. Fait que le macho, c'est bon, c'est un beau macho. Il a des beaux machos. Ouais, ouais, ouais. C'est bon qu'il a de la belle tenue avec des beaux cheveux noirs, frisés un petit peu. Bon, il va passer à côté dans le corridor, tu vas voir un miroir, il va se regarder. Il va ranger les cheveux, papa. La vanité. Ça, c'est la côté de la vanité. Ça, c'est le principe féminin. Ouais. Le côté orgueilleux, mais c'est la femme qui le vit. T'sais. Qui le subit. Qui le subit. Ouais. Puis de. Le phénomène, le féminisme, lui, il se crée comment? C'est dans quelles conditions que ça se crée, ça? Le féminisme, c'est la réaction de la femme. C'est la réaction psychologique de la... C'est la réaction psychologique et naïve, dans un sens seulement, de la femme face à un passé qu'elle n'a jamais pu contrôler. Quand je dis naïf, je veux dire que le féministe en soi doit évoluer. Autrement dit, il faut que la femme... Quand la femme va devenir centrée, qu'un jour, elle va être féministe, anyway. Mais elle ne sera pas féministe. Okay. Elle va être féminine centrique. Une femme féminine centrique, c'est encore bien plus tough qu'une féministe. Ouais. Une femme là qui est féminine puis centrique, elle va faire des tours, des 360 degrés autour d'une femme qui est simplement féminine, qui est simplement féministe. Parce que la femme qui est centrique, ses émotions sont petites, son mental est là. Elle fonctionne réellement. Eh bien, c'est comme une Mercedes-Benz. Tandis que la féministe, c'est comme une Acura. Comprends-tu? Fait que ils sont pas organisés pareil, psychiquement. L'indice de fiabilité est bon pourtant. Mais il y a un aspect, Benoît, qui... Parce que je vais dire une chose, la femme est obligée de se débattre aujourd'hui dans un monde... Puis la femme veut avancer, puis avoir des salaires équivalents à l'homme. Puis elle a raison. Oui, oui. Mais qu'elle perde pas sa nature. Parce que si elle perd tout ce qui est d'elle, toute sa féminité, tout ça, là, à ce moment-là, ben, elle perd quelque chose. Mais moi, je me suis... Qu'elle cherche quelque chose en plus. Qu'elle cherche un job, mais qu'elle garde ses... Ouais. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que le féminisme est né à cause que l'homme était macho depuis des siècles? Est-ce que finalement, est-ce que la femme, c'est en réaction au macho qu'elle est devenue féministe, ou si c'était déjà... Non. La femme est devenue féministe en relation avec sa souffrance intérieure. C'est sa souffrance intérieure de femme avec des enfants, 19e siècle, le manque de respect, le manque de valeur qu'elle avait dans son milieu, qui l'a amenée à ça. Puis son intelligence aussi, parce que les femmes qui ont parti ce mouvement-là, c'est des femmes qui avaient quand même une force intérieure. Il y avait de l'esprit, là. Mais avec le temps, c'est devenu une mode, une mode qui a servi à créer une évolution sociale. Mais ça va plus loin que ça. La femme, c'est pas simplement un être social. La femme, c'est un être point final. Mm-hmm. Fait que si elle devient un être social, ou resocialisée, ou resociabilisée, puis elle perd de sa nature, à ce moment-là, elle perd quelque chose qui est introuvable. Il est là le reproche philosophique, idéologique, intellectuel des hommes. Ils vont dire, ben oui, mais ma femme est rendue à travail, ou ma blonde à travail, mais j'ai perdu ma femme. C'est plus une femme. Là, c'est rendu, c'est un gars que j'ai. Ils ont perdu le coup. Fait que là, la femme a peur de ça. Je regarde les femmes, là, les femmes chefs de bureau, les femmes chefs d'entreprise, là. Puis effectivement, pour fonctionner, il faut qu'ils soient capables de libérer beaucoup d'énergie, comme un gars qui libère de l'énergie. Mais par contre, il ne faut pas qu'ils perdent leur femme, le côté femme. Est-ce que c'est vraiment possible? Ça, c'est dur. Ben, avec des gros champs. Mais ça dépend du degré d'illusion qu'ils ont. Une femme, imagine-toi une femme qui ne perd pas sa féminité, puis qui s'en va dans l'entreprise, puis qui est capable de dealer avec les deux énergies, l'énergie féminine puis l'énergie masculine, sans en perdre une, elle peut devenir extraordinairement efficace, extraordinairement compétente, extraordinairement femme. À tous les niveaux. Ah oui, moi j'en connais des femmes qui sont absolument au bout. Ils n'ont pas perdu leur féminité. J'en connais une qui travaille pour nous autres. Quand elle rentre dans un bureau, c'est une femme intelligente qui n'a pas parlé de sa féminité qui rentre. C'est pas un gars qui rentre. Mm-hmm. Avec des grands cheveux. Oui. Elle l'a, ça. Ça coûte automatiquement, mais c'est intéressant d'abord pour les hommes. Parce qu'ils ont des échanges avec elle, puis c'est plaisant. Puis elle fonctionne mentalement. Mais ils ont une femme aussi dans leur milieu. À la table, c'est intéressant. Puis c'est ça que je reproche aux féministes, c'est qu'ils sont devenus un petit peu trop durs sur eux-mêmes. OK. Maintenant, je vais vous poser une question là, qui vient du fond du cœur de bien des hommes, parce que je fais beaucoup de consultations. Et puis, l'homme qui a une certaine autorité sociale, disons qu'il y a un certain glamour social, qui a une certaine autorité financière dans la société, il voit un jour, à un moment donné, sa femme réussir et accéder à des postes ou à des commandes qui, finalement, permettent à cette femme-là de s'exposer à des exigences de la société. C'est-à-dire que la société va exiger de cette femme-là, par contrat, qu'elle soit, disons, disponible ou présente pendant X temps dans un champ d'activité, finalement, qu'il la possède intégralement au niveau de ses énergies. Cet homme-là, lui, évidemment, il dispose d'un certain équilibre financier et il ne voit pas la nécessité pour sa femme, matériellement, qu'elle s'engage dans des contrats de cet acabit-là, de cette importance-là, parce que ça draine, finalement, toute leur intimité. Par conséquent, étant donné que c'est un homme intelligent, il va accepter que cette femme puisse, entre guillemets, s'émanciper ou se réaliser. Et se retrouve après un certain nombre d'années avec un couple qui est complètement vidé parce que lui aussi, son travail, c'est important. Et à un certain moment donné, la femme, dans son engagement au niveau de la carrière, a vécu quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est intelligent pour ce couple-là qui ont développé intelligemment leur vie professionnelle, mais qui ont finalement eu aucune disponibilité réelle pour leur vie dite privée et qui se retrouvent avec souvent des enfants qui ont de la difficulté à maîtriser et qui vont développer même des sentiments de culpabilité parce qu'ils n'ont pas donné assez de disponibilité à leurs enfants. Qu'est-ce qui est intelligent pour un couple comme ça? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui travaille et qui reste à la maison ou que les deux finalement vivent ça tel que je viens de l'exprimer? Là? Parce que ça, c'est le problème qui vient avec le féminisme et le macho. Là. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Il y a des appétits dans la consommation que l'individu développe quand il dispose d'un certain capital financier puis d'une certaine autorité sociale. Il y a des conséquences, c'est ça. Moi, je le retrouve souvent en consultation, ça, cet aspect-là. Qu'est-ce qui est intelligent pour un couple de vivre? Vivre pour son couple ou vivre en relation avec toute l'évolution sociale, la consommation et ces choses-là? C'est une question qui est bien difficile à répondre parce que c'est une question qui à différents niveaux. Par exemple, effectivement, pour la femme de travailler, c'est important. Parce qu'elle n'a pas une carrière. Lui est dans une carrière. S'ils sont intelligents, ces deux êtres-là, ils vont pouvoir bénéficier de leur nouvel acquis, de leur nouveau potentiel. Mais ça va demander qu'ils soient créatifs. Là, je vous donne un exemple, simplement pour expliquer le principe. Mm-hmm. Moi, ma femme, d'ailleurs, elle s'en va sur le marché du travail, bien vite, elle va me sacrer, là, sans rien. Bon. Fait que ma femme, elle s'en va sur le marché du travail, elle dit, bon, ben, Nino, je m'en vais à Miami, ou je m'en vais à New York, ou je m'en vais à Los Angeles. Bon. Puis, elle n'a pas besoin de travailler, ma femme, mais elle a quelque chose à faire dans sa vie avec ça. Fait qu'elle est rendue à Los Angeles, là. Moi, je suis ici. Fait que ce que je vais faire, elle m'a dit, bon, mais je prends l'avion, je m'en vais dans la contrée. Fait qu'on va aller se rencontrer là-bas. Elle m'a dit, bon, ben, viens, va-t'en à Reno, on va te rencontrer à Reno, on va aller au casino. Mm. Je vais créer un nouveau mouvement dans ma vie. Puis pour les gens qui sont dans cette situation-là, il faut qu'ils soient assez intelligents, assez créatifs pour se créer un nouveau mouvement. Fait que tu as un nouveau potentiel financier, tu as un nouveau potentiel de mouvement, tu as un nouveau potentiel social, mais il faut que tu te crées du mouvement. Mais si le gars il est pogné dans sa job de 9 à 5, qu'il n'est pas capable de se créer de mouvement, c'est là que ça va mourir, son affaire. Fait que c'est pas que sa femme a trouvé une job qui a mis son couple à terre. C'est que les deux n'ont pas été, ils ont été suffisamment intelligents pour se développer une vie professionnelle, mais ils n'ont pas été suffisamment créatifs pour en sortir dans un mouvement parallèle à leur vie professionnelle. Autrement dit, être intelligent professionnellement, ça, c'est une chose. Ouais. Mais être créatif en parallèle à ton intelligence professionnelle, ça c'est un autre, puis ça c'est du stock, puis c'est là que ça pète dans le fret. Il y a une des... Fait que, pardon, vous autres, quand vous parlez d'intelligence, vous dites, ah ben la femme, elle fonctionne full speed dans sa profession. Le gars, il fonctionne full speed dans la profession, mais ça c'est au niveau de votre talent. C'est pas au niveau de votre intelligence créatrice. Ma femme, dans sa profession, elle va fonctionner au bout. Moi, je fonctionne au bout. Mais faut que ma femme puis moi, on puisse fonctionner à un autre niveau que j'appelle intelligence créative, puis en arriver, non pas à des solutions de notre problème, parce qu'on n'a pas, mais à des empêchements d'en avoir. Puis c'est quoi ça? Ça veut dire, ben qu'est-ce que tu penses de nous? Toi, tu prends l'avion, je te rencontre à Reno, puis moi, je m'en vais là. Autrement dit, faut être flexible, rendu à ce point-là, dans un couple où les deux êtres travaillent ensemble, c'est là que les deux ont besoin de faire quelque chose de neuf, de faire quelque chose de créatif, de se renouveler. Sans ça, là, il y en a un qui va rester pogné dans sa job, l'autre va être pogné dans sa job, puis éventuellement, ça va créer des problèmes. Fait que ce qui manque aux couples modernes qui vivent justement deux jobs ensemble, c'est que les gens sont professionnellement intelligents, mais ne sont pas créatifs. S'ils étaient créatifs, à ce moment-là, ils se créeraient un mouvement parallèle avec leur job, qui serait intéressant, parce que c'est justement leur job qui les amène à faire quelque chose de neuf, de non exploré. Puis, si ma femme, elle s'en va à Los Angeles dans l'industrie du film, c'est évident que je vais dire, bon, ben, va-t'en Reno, va te rencontrer là. Fait que c'est nouveau, c'est le fun, c'est différent. Puis, il n'y a pas de perte de proximité. Il n'y a pas de perte de proximité, je vais dire pourquoi. Parce que l'engagement psychologique de cette intelligence créatrice-là est tellement intéressant que tu peux pas rien perdre. Fait qu'elle, quand elle va, je vais rencontrer à Reno dans le motel ou dans l'hôtel, puis moi je vais arriver dans le motel, on va être comme des amoureux. On va être comme, même si on sait pas, on se voit tout le temps, le petit temps là, qu'on a été séparés un petit bout de temps, puis qu'on se rencontre quelque part, là, ça va, on va être comme des amoureux. Fait qu'on va, on crée quelque chose de neuf. L'homme n'est pas créatif. Les gens sont pas... Toi, t'es pas créatif. C'est quand je te disais, mais non, tu travailles, t'aimes ça, va-t'en faire un petit tour des îles, va voir qu'est-ce que c'est des palmiers. Tu peux pas toujours, toute ta vie, regarder des saumons pis des truites. Il y a d'autres affaires. T'es allé à terre, tu veux toujours y retourner. Bon, ben ça, c'est ça, être créatif. C'est sortir de ton bag professionnel. Puis tous les professionnels, c'est un bag. Il n'y a pas que la drogue, le bag. La profession, c'est un bag. Les médecins sont des bags. Les soeurs sont des bags. Les curés sont des bags. Les professeurs sont des bags. Tout le monde. La preuve que vous êtes des bags, c'est que vous n'êtes pas capable de vous créer une alternative temporaire à votre bag. Excepté la fin de semaine. Vendredi, samedi. Puis encore, vous êtes assez bagué, vous allez encore au même crise de club. Vous n'êtes pas capable de dire, bon, en fin de semaine, là, je prends l'avion. Une heure et demie, j'arrive à New York. Tu prends l'avion, là, ça te coûte, je sais pas moi, 200$. Tu fais ça, toi, 6 mois, tu vas... En fin de semaine, tu pars pour 2 jours. Tu vas dire, ben, je suis pas pour aller à New York 2 jours. Tu peux y aller pour une journée à New York. Casser la mécanique, casser les habitudes, casser le pattern. Vous vivez toujours dans du pattern. Demandez-vous pas pourquoi votre vie est plate. Puis là, vous allez dire, mais ça coûte cher. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez les argents que vous dépensez, ça a bien Molson. Le monde, ce que je reproche au monde, c'est que le monde... Moi, je pense que ma femme, elle m'a aimé parce que elle savait pas à quoi s'attendre. Moi, c'est la seule raison qu'elle m'a aimé. Pas parce que j'étais créatif. Ben oui, parce qu'elle savait pas. Mais parce qu'elle savait pas à quoi s'attendre. Je suis appelé à 3h du matin, là, la petite fille au début, là, 21 ans quand même. Là, à 3h du matin, je l'appelais Pipo, là, c'est pas vrai. Hey, Pipo, j'ai dit, viens-tu manger un smoked meat chez Dan? Je la checkais. Mais sais-tu sacrément qu'elle venait? Elle disait, ouais, je m'habille là. Puis elle travaillait à Hydro-Québec à 8h le matin. Puis j'y parlais tellement qu'à 8h le matin, elle était prête et dispose. Je la connais. 3h du matin, je mets des claques, des claques. Je prends un taxi, viens. Mais rien que le fait de l'amener chez Dan à 3h du matin, partir de l'est de la ville, pour elle, c'était différent. Pour moi, ça change, c'était pas grand-chose, parce que j'étais habitué à ce genre de vie-là. Mais pour elle, c'était différent. Ma femme m'a aimé parce que justement, j'étais pas prédictible. Tu verras ça? I was different. Hein? C'est pour ça qu'elle m'a aimé, pas parce que Bernard Montréal, d'abord ça n'existait pas Bernard Montréal, c'était. C'était qu'un drôle de moineau. Elle t'a trouvé ça intéressant, le drôle de moineau. Quand je l'ai sorti, je l'ai amené au parc Papineau. J'ai pas pogné les fesses. Je l'ai amené au parc Papineau, puis j'appoussais sur comment ça s'appelle ça, les balançoires. Même toi, un gars de 38, 29 ans, qui rencontre une femme, puis elle pousse sa balançoire au parc Papineau. Elle trouvait ça différent. Elle trouvait ça différent. Mais nous autres, on est tous dans le même pattern, la même bague, la même ritournelle. J'entends des gars qui parlent aux filles des fois, là. Sais-tu que j'ai honte, le genre humain m'en honte. Puis les filles voyaient à travers ça. Les gars sont niaisés. C'est quoi ton signe astrologique? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peut-être que les femmes aussi attendent que l'autre soit tout le temps créatif. Moi, dire une chose, les femmes ont assez hâte d'avoir du neuf dans leur vie, mon cher. J'ai rencontré trois juifs sur la rue un soir, là, puis laisse-moi dire, il y en a une qui pleurait. Là. J'ai dit, what's wrong, sweetheart? Puis elle dit, men are not what they used to be. J'ai dit, you're right. Elle dit, you're in agreement with me. J'ai dit, that's right. Men are not what they used to be. Fait qu'elle dit à moi, elle dit, what are you like? J'ai dit, I'm the way they used to be. Ils m'ont invité trois, puis ils m'ont payé un drink. Ils ont eu une belle conversation avec moi toute la soirée. Puis ça finit là. On sort pas des patterns. Fait que quand tu sors pas des patterns, mais automatiquement, mais tu deviens rouillé, puis tu t'entoures de gens qui sortent pas des patterns. Tu dis à ta blonde, tu dis à ton chum ou à des amis, hey, tu viens-tu, on va faire ça? Ah ben non, hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec du monde de main? Puis ça veut devenir conscient, puis ça veut devenir centrique, puis ça veut vivre. Tu peux pas vivre de même. La vie, c'est faite pour être touché du bout des doigts tout le temps, puis pas avoir peur de perdre. C'est ça que je te dis. On va finir cette note-là. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.